avec il ou elle au pluriel, hein, théoriquement, ça devrait être Aaron, hein, étant donné que estar est un verbe en ar. Mais on a vu que les verbes gogo et les autres verbes irréguliers au passé, hein, comme estar, pour tous ces verbes-là, le schéma est différent. Avec je, c'est et non accentué. Et avec il ou elle, c'est o non accentué. Avec il ou elle au pluriel, c'est yeron. Yeron. Sauf dans le cas de défir, qui faisait dijeron et non dijeron. Et donc, iste avec tu et imos avec nous. L'avantage, c'est que tous ces verbes un peu particuliers au passé suivent le même schéma. Et si vous connaissez la forme du passé pour la première personne du singulier, donc avec je, vous pouvez en déduire toutes les autres personnes. Alors, si vous voulez dire « ils ont été » au passé sans plongeoir, hein, à partir du verbe « estar », ça sera « estuvieron ».« Estuvieron », hein, c'est ça. Et « j'ai mis », hein, au passé sans plongeoir, ça sera « poussé ».« Poussé », oui. Hein. Et « il ou elle a mis » sans plongeoir, « puso ». Pousson, hein, pousson. Hein. Ils ou elles ont mis, sans plongeoir. Pusieron. Pusieron. Et tu as mis, sans plongeoir. Pusiste. Pusiste. Nous avons mis, toujours sans plongeoir. Pusimos. Pusimos. Hein. Alors, une fois de plus, j'ai fait. Au passé sans plongeoir, se dit hice. Hice. Il ou elle a fait, ou vous, ou usted, avez fait, sans plongeoir, hizo. Hizo. Il ou elle ont fait, ou vous, ou ustedes, avez fait, sans plongeoir, hicieron. Hicieron. Hein? Et tu as fait, sans plongeoir, hiciste. Hiciste. Nous avons fait. Sans plongeoir, hicimos. Hicimos. Et comment dit-on, il ou elle est venu, hein? Toujours sans plongeoir. Vino. Vino. Hein? Souvenez-vous de il vint avec du vin. Vino con vino. Alors, ils sont venus, sans plongeoir, ça sera vinieron. D'accord, hein? Vinieron. Et tu es venu, sans plongeoir. Biniste. Biniste. Et nous sommes venus, sans plongeoir. Binimos. Binimos.